Chapitre 13. Valentine, ce soir-là, savait que Gaston avait dû se rendre à Tarascon pour y passer le Rhône sur le pont de fil de fer qui unit Tarascon à Beaucaire. Elle l'attendait de ce côté à l'heure convenue la veille, à 11 heures. Mais voici que bien avant l'instant fixé, ayant par hasard jeté un coup d'œil du côté de Clameran, il lui sembla voir des lumières promener dans les appartements d'une façon tout à fait insolite. Un pressentiment sinistre glaça tout son sang dans ses veines, arrêtant les palpitations de son corps. Une voix secrète et impérieuse, au-dedans d'elle-même, lui criait qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire et de terrible au château de Clameran. Quoi ? Elle ne pouvait se l'imaginer, mais elle était sûre, elle eût juré qu'un grand malheur venait d'arriver. Son inquiétude allait grandissant, plus poignante et plus aiguë de minute en minute, quand tout à coup, à la fenêtre de Gaston, elle aperçut ce signal cher et si connu qui lui annonçait que son ami allait passer le Rhône. Elle n'en pouvait croire ses yeux. Elle voulait douter du témoignage de ses sens, et c'est seulement quand le signal eut été répété 3 fois qu'elle y répondit. Alors, plus morte que vive, sentant ses jambes se dérober sous elle, se tenant au mur, elle descendit dans le parc et gagna le bord de l'eau. Grand Dieu ! Il lui semblait que jamais elle n'avait vu le Rhône si furieux. Était-il possible que Gaston essayât de le traverser ? Plus de doute, un événement affreux devait être survenu. Pendant que les hussards et les gendarmes regagnaient tristement le château de Clameran, Gaston réalisait un de ces prodiges dont on serait tenté de douter si les plus indiscutables témoignages ne venaient l'affirmer. Tout d'abord, lorsqu'il avait plongé, il avait été roulé 5 ou 6 fois et entraîné vers le fond. C'est que dans un fleuve débordé, le courant n'est pas égal à toutes les profondeurs. Là est surtout l'immense danger. Mais ce danger, Gaston le connaissait, il l'avait prévu. Loin d'user ses forces à une lutte vaine, il s'abandonna, ne songeant qu'à économiser son haleine. Ce n'est guère qu'à 20 mètres de l'endroit où il s'était jeté qu'un vigoureux coup de rein le ramena à la surface. Près de lui, avec la rapidité d'une flèche, filait le tronc d'arbre sur lequel tout à l'heure il était debout. Durant quelques secondes, il se trouva empêtré au milieu de débris de toutes sortes. Un remous le dégagea. Il ne songeait pas à gagner la rive opposée. Il se disait qu'il l'aborderait où il pourrait. Gardant sa présence d'esprit, autant que s'il se fût trouvé dans des conditions ordinaires, il employait toute sa force et toute son adresse à obliquer lentement, sans cesse de rester dans le fil de l'eau, sachant bien que s'en serait fait de lui si le courant le prenait de travers. Ce courant épouvantable est d'ailleurs aussi capricieux que terrible. De là les bizarres effets des inondations. Selon les méandres du fleuve, il se porte tantôt à droite, tantôt à gauche, épargnant une rive, ravageant l'autre. Gaston, qui avait une connaissance très exacte de son fleuve, savait qu'un peu au-dessous de Clameran, il y avait un coude brusque, et il comptait sur le remous de ce coude pour le porter sur la verberie. Ses prévisions ne furent pas déçues. Un courant oblique tout à coup l'emporta sur la rive droite, et s'il ne se fût pas tenu sur ses gardes, il était roulé et coulé. Mais le remous n'allait pas aussi loin que le supposait Gaston, et il était encore loin du bord, quand, avec la foudroyante rapidité du boulet, il passa devant le parc de la Verberie. Il eut le temps, cependant, d'entrevoir sous les arbres, comme une ombre blanche, Valentine, qui l'attendait. Ce n'est que beaucoup plus bas que, s'étant insensiblement rapproché du bord, il essaya de prendre terre. Sentant qu'il avait pied, 2 fois il se dressa, 2 fois la violence du courant le renversa. Il allait être entraîné quand il réussit à saisir quelques branches de saule qui aidèrent à se hisser sur la berge. Il était sauvé. Aussitôt, sans prendre le temps de respirer, il s'élança dans la direction de la Verberie et bientôt fut dans le parc. Il était temps qu'il arrivât. Brisé par l'intensité de ses angoisses, l'infortunée Valentine gisait, affaissée sur elle-même, sentant la vie se retirer d'elle. Les embrassements de Gaston l'attirèrent de cette morne stupeur. « Toi » s'écria-t-elle d'une voix où éclatait toute la folie de sa passion. « Toi, Dieu a donc eu pitié de nous. Il a donc entendu mes prières. »« Non, » murmura. « Non, Valentine, Dieu n'a pas eu pitié. » Ses pressentiments ne la trompaient pas. Elle le comprenait à l'accent de Gaston. « Quel malheur nouveau nous frappe » s'écria-t-elle. « Pourquoi êtes-vous venu ainsi, risquant votre vie qui est la mienne ? Que se passe-t-il ? « Il y a, Valentine, que notre secret n'est plus à nous, que nos amours sont à cette heure la risée du pays. » Elle recula comme foudroyée, se voilant la figure de ses mains, laissant échapper un long gémissement. « Tout se sait, » balbutia Valentine, « tout se sait. » Au milieu du déchaînement des éléments, Gaston avait gardé son sang-froid, mais aux accents de cette voix aimée, son esprit s'exaltait jusqu'au délire. « Et je n'ai pu, » s'écriait-il, « écraser, anéantir les infâmes qui ont osé prononcer ton nom adoré. Ah, pourquoi n'ai-je tué que deux de ces misérables? Vous avez tué, Gaston ?» L'accent de profonde terreur de Valentine rendit à son ami une lueur de raison. « Oui, » répondit-il, essayant de se maîtriser. « Oui, j'ai frappé. C'est pour cela que j'ai traversé le Rhône. Il y allait de l'honneur de mon nom. Il n'y a qu'un moment, tous les gendarmes du pays me traquaient comme une bête malfaisante. Je leur ai échappé, et maintenant je me cache, je fuis. » Il fallait à Valentine une force d'âme peu commune pour ne pas succomber sous tant de coups inattendus. « Où espérez-vous fuir ? » demanda-t-elle. « Eh, le sais-je moi-même ? Où je vais ? Ce que je deviendrai ? Quel avenir m'attend ? Puis-je le prévoir ? Je fuis. Je vais m'efforcer de gagner l'étranger, prendre un faux nom, un déguisement, et j'irai jusqu'à ce que je trouve un de ces pays sans loi qui donne asile aux meurtriers. » Gaston se tut. Il attendait, il espérait une réponse. Cette réponse ne venant pas, il reprit avec une véhémence extraordinaire. « Si, avant de disparaître, j'ai voulu vous revoir, Valentine, c'est qu'en ce moment où tout m'abandonne, j'ai compté sur vous. J'ai eu foi en votre amour. Un lien nous unit, ô ma bien-aimée, plus fort et plus indissoluble que tous les liens terrestres. Je t'aime. Devant Dieu, tu es ma femme. Je suis à toi comme tu es à moi, pour la vie. Me laisserez-vous fuir seule, Valentine ? Aux douleurs de l'exil, aux regrets cuisants de ma vie perdue, ajouterez-vous les tortures de notre séparation ? Gaston, je vous en conjure. Ah, je le savais bien ! Interrompit-il, se méprenant au sens de l'exclamation de son ami. « Je savais bien que je ne fuirais pas seul. Je connaissais assez votre cœur pour savoir que vaudriez la moitié du fardeau de mes misères. Ce moment efface tout, partons. Ayons notre bonheur à défendre, je ne crains plus rien. Je puis tout braver, tout vaincre. Venez, ma Valentine, nous périrons ou nous nous sauverons ensemble. C'est l'avenir entrevu et rêvé qui commence, avenir d'amour et de liberté. » Il était fou, il délirait, il avait saisi Valentine par la taille, il l'attirait, il l'emportait. À mesure que croissait l'exaltation de Gaston, et que de plus il l'oubliait au ménagement, Valentine parvenait à dominer son émotion. Doucement, mais avec une énergie qu'il ne soupçonnait pas, elle se débarrassa de son étreinte et le repoussa. « Ce que vous voulez, » dit-elle du ton le plus triste et cependant le plus ferme, « ce que vous espérez est impossible. » Cette froide résistance, inexplicable pour lui, sembla confondre Gaston. « Impossible ? » balbutia-t-il. « Vous me connaissez assez, » continuait Valentine, « pour savoir que partager avec vous la pire des destinées serait pour moi le comble des félicités humaines. Mais, au-dessus de votre voix qui m'attire, au-dessus de la voix de mon cœur qui m'entraîne, il en est une, plus puissante et plus impérieuse, qui me défend de vous suivre quand même. C'est la voix sublime du devoir. Quoi ? Vous pouvez songer à rester après l'horrible scène de ce soir, après un scandale qui demain sera public. Que voulez-vous dire ? Que je suis perdu, déshonoré ? Le suis-je plus aujourd'hui que je ne l'étais hier ? Pensez-vous donc que l'ironie ou les mépris du monde me feront autant souffrir que les révoltes de ma conscience ? Je me suis toujours jugé, Gaston, et si votre présence, le son de votre voix, la sensation de votre main touchant la mienne me faisait tout oublier, loin de vous, je me souvenais, et je pleurais. Gaston écoutait, immobile, stupéfait. Il lui semblait qu'une Valentine nouvelle se dressait devant lui, et qu'il découvrait en son âme, qu'il croyait si bien posséder, des profondeurs qui lui avaient échappé. « Et votre mère ? » murmura-t-il. « C'est elle, ne le comprenez-vous pas, dont le souvenir m'enchaîne ici. Voulez-vous donc que, fille dénaturée, je l'abandonne pour suivre mon amant à l'heure où, pauvre, isolée, sans amis, elle n'a plus que moi ? Mais on la préviendra, Valentine. Nous avons des ennemis, elle saura tout. Qu'importe ! La conscience parle et il suffit. Ah, que ne puis-je, au prix de ma vie, lui épargner d'apprendre que sa fille, sa Valentine, a failli à toutes les lois de l'honneur ? Il se peut qu'elle soit dure pour moi, terrible, impitoyable. Eh bien, ne l'ai-je pas méritée ? Oh, mon unique ami, nous nous étions endormis dans un rêve trop beau pour qu'il pût durer. Ce réveil affreux, je l'attendais. Misérables fous, pauvres imprudents qui avons pu croire qu'il est hors du devoir des félicités durables. Tôt ou tard, le bonheur volé se paye. Courbons le front et humilions-nous. » Cette froide raison, cette résignation douloureuse, rallumèrent la colère de Gaston. « Ne parlez pas ainsi, s'écria-t-il. Ne sentez-vous pas que la seule idée d'une humiliation pour vous me rend fou ? Hélas, je dois pourtant m'attendre à bien d'autres outrages. Vous, que voulez-vous dire ? Sachez donc, Gaston. » Elle s'interrompit, hésita un moment et finit par dire « Rien, il n'y a rien, je suis folle. » Moins abandonné aux violences de la situation, le comte de Clamant eut deviné, sous les réticences de Valentine, quelques nouveaux malheurs, mais il poursuivait son idée. « Tout espoir n'est pas perdu, reprit-il. Mon amour et mon désespoir ont, je le crois, touché mon père, qui est bon. Peut-être mes lettres, quand je serai hors de danger. Peut-être les instances de mon frère Louis le décideront-elles à demander pour moi votre main à madame de la Verberie. » Cette supposition sembla épouvanter Valentine. « Fasse le ciel que jamais le marquis ne tente cette démarche !»« Pourquoi ? Parce que ma mère repousserait sa demande, parce que ma mère, il faut bien que je l'avoue, en cette extrémité, a juré que je serais la femme d'un homme ayant une grande fortune et que votre père n'est pas riche. »« Oh ! » fit Gaston révolté. « Oh, c'est à une telle mère que vous me sacrifiez. Elle est ma mère, et c'est assez. Je n'ai pas le droit de la juger. Mon devoir est de rester. Je reste. » L'accent de Valentine annonçait une résolution inébranlable, et Gaston comprit bien que toutes ses prières seraient vaines. « Ah ! » s'écria-t-il, se tordant les mains de désespoir, « vous ne m'avez jamais aimé. Malheureux, ce que vous dites, vous ne le pensez pas. » « Non, » continua-t-il, « vous ne m'aimez pas. Vous qui, en ce moment où nous allons être séparés, ayez l'affreux courage de raisonner froidement et de calculer. Ah, ce n'est pas ainsi que je vous aime, moi. Or, vous, que me fait la terre entière ? Vous perdre, c'est mourir. Que le Rhône reprenne donc cette vie qu'il m'a miraculeusement rendue et qui maintenant m'est à charge. » Déjà, il s'avançait vers le Rhône, décidé à mourir. Valentine le retint. « Est-ce donc là ce que vous appelez aimer ? » Gaston était absolument découragé, anéanti. « À quoi bon vivre ? » murmura-t-il. « Que me reste-t-il désormais ?»« Il nous reste Dieu, Gaston, qui tient entre ses mains notre avenir. » La moindre planche semble le salut au naufragé. Ce seul mot « avenir » éclaira d'une lueur d'espérance les ténèbres de Gaston. « Vous l'ordonnez ? » s'écria-t-il, soudain ranimé. « J'obéis. Assez de faiblesse. Oui, je veux vivre pour lutter et triompher. Il faut de l'or. « À l'âme de la Verberie, eh bien, dans 3 ans, j'aurai fait fortune ou je serai mort. » Valentine avait joint les mains et remercié le ciel de cette détermination subite qu'elle n'avait osé espérer. « Mais avant de m'enfuir, continuait Gaston, je veux vous confier un dépôt sacré. » Il sortit de sa poche la bourse de soie qui renfermait les parures de la marquise de Clamoran et la remit entre les mains de son ami. « Ce sont les bijoux de ma pauvre mère, dit-il. Seul, vous êtes digne de les porter. » « Dans ma pensée, je vous les destinais. » Et comme elle refusait, comme elle hésitait, « Prenez-les, » insista-t-il, « comme un gage de mon retour. Si dans 3 ans, je ne suis pas venu vous les réclamer, c'est que je serai mort. Et alors, vous les garderez comme un souvenir de celui qui vous a tant aimé. » Elle fondait en larmes, elle accepta. « Maintenant, » poursuivait Gaston, « j'ai une dernière prière à vous adresser. Tout le monde me croit mort, et c'est là ce qui assure mon salut. Mais je ne puis laisser ce désespoir à mon vieux père. Jurez-moi que vous-même, demain matin, vous irez lui apprendre que je suis sauvé. J'irai, je vous le jure, répondit-elle. Le parti de Gaston était pris. Il sentait qu'il fallait profiter de ce moment de courage. Il se pencha vers son ami pour l'embrasser une dernière fois. Doucement, d'un geste triste, elle l'éloigna. « Où comptez-vous aller ? » demanda-t-elle. « Je vais gagner Marseille, où un ami me cachera et me cherchera un passage. » « Vous ne pouvez partir ainsi. Il vous faut un compagnon, un guide, et je vais vous en donner un, en qui vous pouvez avoir la plus grande confiance, le père Menoul, notre voisin, qui a été longtemps patron d'un bateau sur le Rhône. » Ils sortirent par la petite porte du parc, dont Gaston avait la clé, et bientôt ils arrivèrent chez le vieux marinier. Il sommeillait au coin de son feu, dans son fauteuil de bois blanc. En voyant entrer chez lui Valentine, accompagnée de monsieur de Clamoran, il se dressa brusquement, se frottant les yeux, croyant rêver. « Père Menoul, dit Valentine, monsieur le comte que voici est obligé de se cacher. Il voudrait gagner la mer et s'embarquer secrètement. Pouvez-vous le conduire dans votre bateau jusqu'à l'embouchure du Rhône ? » Le bonhomme hocha la tête. « Avec l'état de l'eau, répondit-il, la nuit ce n'est guère possible. »« C'est à moi, père Menoul, que vous rendrez un immense service. »« À vous, mademoiselle Valentine. » »« Alors c'est fait, nous allons partir. » À ce moment seulement, il se crut permis de faire observer à Gaston que ses vêtements étaient trempés, souillés de boue et qu'il était tête nue. « Je vais vous prêter des habits de défunt, mon fils. Ce sera toujours un déguisement. Passez ici avec moi. » Bientôt, le père Menoul et Gaston, presque méconnaissables, reparurent, et Valentine les suivit au bord de l'eau, à l'endroit où était amarré le bateau. Une dernière fois, pendant que le bonhomme préparait ses agrès, les deux amants s'embrassèrent, échangeant leur âme en ce suprême adieu. « Dans 3 ans !» crie Gaston. « Dans 3 ans !»« Adieu, mademoiselle, » dit le vieux patron. « Et vous, mon jeune monsieur, tenez-vous bien. » Et d'un vigoureux coup de gaffe, il lança le bateau au milieu du courant. 3 jours plus tard, grâce aux soins du père Menoul, Gaston était caché dans la cale du trois-mâts américain Tom Jones, capitaine Worth, qui le lendemain appareillait pour Valparaiso.